main de choses sur le cœur, mais qui ça va intéresser? Alors je reste dans ma coquille avec l'esprit menotté. Certains me prennent pour une folle, disent que de pleurer c'est pour les faibles. Qu'est-ce que tu connais de ma vie pour juger ce que j'ai enduré? Pendant tout ce temps, tout s'éteint, tout s'en allait. Regarde-moi, j'ai les yeux qu'appelle à l'aide. Verre vide, mes cœurs pleins, plus d'amour que de la haine. Grâce à toi, je peux m'en sortir, me laisse pas dans la merde. Hello, hola, chérie, m'entends-tu? Je suis là pour toi, dis-moi, est-ce que ça va? Hello, hola, chérie, parle-moi, relève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Grosse panique à bord, je suis face à la réalité. J'ai joué toutes mes cartes pour me cacher, j'ai plus d'unité. Y'a des numéros verts, appelle-moi des SOS. J'ai gardé trop de choses en moi, maintenant j'en paie les frais. Comment tu veux que je m'ouvre à ceux qui m'ont fermé la porte, qui m'appelaient le père Castor? Dès que mes histoires je les racontais, j'ai repensé à la mort, surendetté, problème de sous. Quand t'as pas de thune, bah c'est la honte. Au lieu de te moquer, cherche à comprendre. Hello, hola, chérie, m'entends-tu? Je suis là pour toi, dis-moi, est-ce que ça va? Hello, hola, chérie, parle-moi, relève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Tu sois il ou elle, quand c'est un SOS, SOS, SOS, un appel SOS, SOS, SOS. C'est parce que t'as vécu mes